Merci de nous rejoindre sur les Sanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le recensement des étrangers résidant au Burundi et particulièrement les réfugiés a débuté ce 26 mars, comme le ministère de l'Intérieur l'avait annoncé la semaine dernière. L'activité devrait se terminer jeudi 28 mars. De la prison à la présidence de la République, au Sénégal, l'opposant Bassirou Diomaye Diakar Faye, élu vainqueur de la présidentielle ce dimanche, venait de sortir de prison. Il a en fait l'expérience, de quoi inspirer les politiques burundais pour mener des politiques inclusives. Vous entendrez les présidents des partis MRC et UPD Zigamiwanga. Et l'honorable Gaton Louassa est toujours dans le collimateur du ministère de la Sécurité publique qui met en garde ses fidèles contre les menaces qu'il y proférerait à l'endroit de certaines autorités du pays. Vous entendrez les explications du porte-parole de ce ministère. Et la ville de Kayanza manque d'un camion-citerne vidangeur des latrines, ce qui cause des ennuis à la population. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue à ce journal. Le recensement des étrangers vivant au Burundi a débuté ce mardi dans les zones de la commune urbaine de Nangwa où notre reporter a pu se rendre. Nombreux sont ceux qui ont répondu présent. Le constat de Mireille Kanyang. Au bureau de la zone urbaine de Kamenge, à 11h25 de ce mardi, la salle d'enregistrement des étrangers était pleine à craquer. Des enfants, des jeunes et des adultes attendaient leur enregistrement. Il fait chaud à l'intérieur. Les uns sont debout, d'autres sont assis, d'autres encore sont dehors. Les uns disent avoir été matinales, mais jusqu'à 11h25, ils attendaient encore. Ils demandent que le nombre d'agents recenseurs, au nombre de 3 ou 4, soit augmenté. Venu ici aux zones de Kamenge depuis 7 heures jusqu'à présent, on n'a pas encore nous recevoir. Il y a beaucoup d'étrangers ici à Kamenge. Nous sollicitons que le gouvernement puisse augmenter le nombre des agents. On peut emprunter même les journaliers pour venir faciliter la tâche de cet recensement. À cet instant, à la zone Kamenge, 70 étrangers étaient déjà inscrits. Peu avant, à 11h, nous avons été au bureau de la zone Gihosha. 99 étrangers s'étaient fait enregistrer, ainsi que 19 familles de 52 personnes, réfugiés et demandeurs d'asile. À ceux-ci, on leur demandait le permis de séjour temporaire. Nous nous sommes par la suite rendus au bureau de la zone urbaine d'Ongagara. À 12h05, les agents recenseurs nous ont fait savoir que l'activité se déroule normalement, sans preuve d'affluence. Le constat que les étrangers étaient moins nombreux par rapport à ceux des zones Gihosha et Kamenge. Sur les fiches, on leur demandait la résidence, les numéros de téléphone et numéros d'enregistrement, les noms et prénoms, ainsi que les nationalités. Sur une table, il y a 3 ou 4 personnes qui effectuent l'opération. L'une écrit, l'autre vérifie les documents présentés. Ce recensement se déroule au bureau de toutes les zones de la mairie de Bujumbura et au chef-lieu de toutes les provinces du Burundi. C'est un recensement qui débute ce mardi pour se clôturer jeudi 28 mars, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur du 20 mars de cette année. Merci Mireille. Le ministère de la Sécurité publique met en garde les fidèles de l'honorable Gaton Louassa qui ferait circuler des documents pour signature et qui proférerait des menaces à l'endroit de certaines autorités. Dans un point de presse tenu ce mardi, le porte-parole de ce ministère a estimé que ces actes menaceraient la sécurité du pays. Toutefois, Pierre Mourikiye n'a pas précisé les autorités qui seraient déjà victimes de ces menaces. Suivez-le. Ces derniers temps, il est constaté des gens qui se disent fidèles à l'honorable Agaton Gwasa et qui font circuler dans les quartiers pour signature des documents. On ne sait pas pour quelle finalité. À côté de la circulation de ces documents pour signature, il y a aussi des messages audio qu'ils échangent à travers les réseaux sociaux, le WhatsApp surtout, ou qu'ils postent sur les réseaux sociaux, des messages qui font objet de menaces envers certaines autorités du pays. Et nous voudrions mettre en garde toutes ces personnes-là et leur rappeler que ce qu'elles font, c'est de la criminalité qui doit être réprimée conformément à la loi. Les institutions en charge des enquêtes suivent de près cette situation et vont procéder à l'arrestation de ces fauteurs de troubles et pour pouvoir appliquer la loi. Parce que parfois, ils se disent que ce sont des membres du parti CNR. Eh bien, Nous voudrions vous rappeler que le parti CNL est actuellement dirigé par un certain Nestor Giroukou-Chaaka. D'après ce nouveau président de ce parti, il n'y a pas de documents qui sont en train d'être circulés pour signature. Et il n'y a non plus de messages faisant objet de menaces qui sont en train d'être diffusés ou divulgués par les membres de ce parti. Et nous n'avons pas encore pu avoir la réaction de l'honorable Agathon Rwasa qui dirigeait le parti CNL sur ces accusations. En outre, ce ministère a annoncé une autre personne retrouvée morte à Kanyosha le 13 mars de ce mois après avoir été enlevée. Pour ce porte-parole, les auteurs seraient trois personnes déjà poursuivies pour deux autres meurtres similaires. Deux autres personnes se réclamant victimes d'enlèvement ont été présentées à la presse ce même mardi. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Diakar Faye est donné vainqueur de la présidentielle déroulée dimanche. À 44 ans, l'opposant et dauphin d'Ousmane Sonko sera le cinquième président du pays. Deux semaines avant ce scrutin, il sortait de prison. Vous saurez aussi que le président sortant Macky Sall avait décrété le report de l'élection présidentielle pour la fin de l'année, alors qu'elle était programmée initialement en février, ce que le Conseil constitutionnel a rejeté. Des observateurs avisés y ont vu une stratégie du président Macky Sall de se donner du temps pour installer le candidat de son parti, à défaut de se représenter lui-même. En réaction, le président du MRC, Lorenzo Nguemero, salue l'élection du président Diomaye Bassirou Faye, malgré qu'il ait été malmené par le président sortant Macky Sall pour se maintenir au pouvoir. Juvenal Ngoguano-Boussa estime que les Africains devraient tirer une leçon de cela et mettre en place des politiques inclusives. On l'écoute. Généralement, quand on évoque la démocratie en Afrique, surtout en Afrique francophone, on a tendance à dire que nous ne sommes pas entrés dans la démocratie, que la démocratie c'est un luxe. Et pourtant, le Sénégal nous donne des leçons depuis plusieurs années. Senghor est parti de lui-même, suivi par Abdou Diouf, lui-même suivi par Abdoulaye Wade, lui-même suivi par Sall et aujourd'hui Faye. C'est tout de même une bonne leçon pour la démocratie en Afrique, contrairement à tout ce que disent les afro-pessimistes. Cependant, cela n'a pas été toujours facile. On a vu tout ce que M. Sall a essayé pour éviter l'alternance. Des emprisonnements abusifs, dont l'emprisonnement de Faye lui-même, tout cela pour se maintenir au pouvoir. Il a fallu qu'il y ait l'insistance d'abord des Sénégalais, puis de la communauté internationale pour qu'il cède. Mais qu'à cela ne tienne, je me réjouis naturellement du déroulement de ces élections et de l'arrivée d'un jeune président, visiblement adoubé par tout le peuple, indépendamment de son groupe politique. Maintenant, il faut l'encourager à éviter les autres écueils que connaissent les pays africains. Parce que la tendance est toujours là de vouloir se maintenir au pouvoir. On apprend aujourd'hui, par exemple, que le Tchad vient d'avoir une nouvelle, plutôt le Togo vient d'avoir une nouvelle constitution. Et cette constitution, c'est pour quoi faire? Sans doute, probablement pour que le président reste aussi au pouvoir à l'occasion d'une 5e République. Bon, je me réjouis et je demande aux autres pays africains de prendre l'exemple sur le Sénégal. Parce que malheureusement, le démon de se maintenir au pouvoir existe. Ce que nous avons connu partout en Afrique, de nature à mettre en cause la vie démocratique, c'est par exemple la mise en place des commissions électorales monocolores, c'est l'ingérence du gouvernement dans le fonctionnement des partis politiques, ce sont les tendances à franchir le deuxième mandat pour aller au troisième, c'est notamment ce qu'on voit, les cautions qu'on demande aux candidats afin qu'ils ne puissent pas se faire élire. Tout cela existe en Afrique et ça existe malheureusement aussi au Burundi. Le professeur Juvenal Ngorguanovusa, même point de vue de la part du président du parti UPD Zigamiwanga, Abdoul Kassim, estime que le Burundi et tous les pays africains devraient prendre pour modèle la démocratie à la sénégalaise. Pour lui, c'est un bon signe que les citoyens soient contents des résultats des urnes et que les adversaires politiques facilitent le candidat élu. C'est rare où un ancien prisonnier sorte de la prison pour entrer au palais présidentiel. Les derniers temps, on avait été un peu gêné par l'attitude du président sortant, où il avait visiblement essayé de se maintenir au pouvoir, où il avait essayé, disons, de museler l'opposition. Mais heureusement, grâce au fonctionnement réel des institutions, dont la Cour constitutionnelle a pu trancher de façon indépendante. Et cela est réjouissant, d'autant plus que le président sortant a pu s'incliner devant la décision de la Cour constitutionnelle. C'est un bon signe, très encourageant pour la démocratie en Afrique, et que nous en appelons à ce que tous les pays africains puissent prendre le modèle de ces élections. Des élections qui ont été vraiment transparentes. Et la campagne a été très apaisée avec des résultats qui sont aussi transparents, où même avant la proclamation des résultats, les uns et les autres puissent se fier aux résultats des sondages ou les premières, ce qu'on appelle les premières tendances. Je crois que le Burundi devait apprendre beaucoup de ce qui vient de se passer au Sénégal, où le peuple burundais également aspire à des élections transparentes, à des élections apaisées, où les gagnants puissent être félicités par, disons, ceux qui ont été battus, les sortants. La CENI burundaise devait aussi prendre pour école cette CENI du Sénégal. Je crois que la Cour constitutionnelle burundaise devait aussi prendre pour l'école le cas du Sénégal, pour que dans les élections prochaines, nous puissions tous acclamer les gagnants. Les idées des partis politiques devrions également nous inspirer du cas du Sénégal pour battre des campagnes électorales basées sur les programmes, non pas basées sur des insultes des autres candidats. C'était le président du parti UPD Zigamiwanga, Abdoul Kassim. Vous saurez que le nouveau président sénégalais, Diomaye Bassirou Faye, qui était soutenu par le chef de l'opposition populaire, a promis de protéger le Sénégal de la corruption et de l'ingérence des puissances étrangères. Le nouveau président du Sénégal est un ancien inspecteur d'impôts et était peu connu jusqu'à ce que Ousmane Sonko le nomme comme son héritier. Ses racines se trouvent dans une petite ville du centre du Sénégal. Il est musulman pratiquant et a deux femmes. La ville de Kayanza manque d'un camion-citerne vidangeur des latrines. Les habitants exerçant leurs activités près du marché de Kayanza se plaignent qu'en cas du débordement des fosses septiques, les déchets sont déversés dans les caniveaux se trouvant aux alentours du marché. Ils craignent des maladies liées au manque d'hygiène. Heureusement, l'administration à Kayanza annonce pour bientôt l'arrivée d'un camion vidangeur promis par le projet LV Watson 2 pour l'assainissement de la ville de Kayanza. Patrick Saint-Guillaume. Certains des habitants de la ville de Kayanza contactés sur le problème du manque de camions sternes vidangeurs des latrines, ce qui fait que les chargés du vidange des fosses septiques des latrines du marché de Kayanza versent les déchets dans des caniveaux qui entourent le marché de Kayanza, sont surtout les motards exerçant leurs activités près du marché de Kayanza. Ceci indique que lors du vidange des fosses septiques, leurs activités sont beaucoup perturbées par cette activité, car ils disent qu'ils sont obligés de quitter le parking à cause de la mauvaise odeur de ces déchets. Les autres habitants de la ville de Kayanza qui déplorent le manque du camion vidangeur en cas de débordement des fosses septiques des latrines sont les femmes exerçant le petit commerce près des caniveaux qui entourent le marché de Kayanza. Ces femmes, tout comme ces motards, tous demandent la disponibilité du camion chargé de vider les fosses septiques des latrines et du marché de Kayanza. Dans une réunion qui a rencontré les natifs de la commune Kayanza il y a deux semaines, un des participants a grogné que certains des habitants de la colline Kirema en ville de Kayanza même laissent les déchets couler dans des trottoirs des parcelles des voisins et a lui aussi proposé qu'il y ait un camion camions-citernes vidangeurs des toilettes. Godefroy Nionizigui, administrateur communal de Kayanza, a signalé que ces dernières années, la commune qu'il dirige a reçu un dos de son camion via le projet Élevé Watsan 2, mais que son camion n'a pas été fonctionnel. À ce sujet, Rémi Chicha, le gouverneur de la province Kayanza, a indiqué qu'il va bientôt mettre en place une commission ad hoc qui sera chargée d'étudier comment son camion pourrait fonctionner. Dans la continuité du programme d'hygiène et assainissement de la ville de Kayanza, l'administration communale Kayanza fait savoir que très prochainement, il y aura une association japonaise qui transformera les différents déchets en des charbons. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isangani. Merci Patrick. Pour boucler ce journal, la justice sud-africaine a accordé lundi un sursis d'une semaine à la présidente du Parlement visée par une enquête pour corruption. Les juges décideront le 2 avril prochain s'ils doivent ou non incarcérer Yosiviu Emapisa Nkakula. La présidente du Parlement sud-africain aurait reçu 135 000 dollars et une perruque en pot de vin sur une période de 3 ans, alors qu'elle était ministre de la Défense. En raison de ces accusations, Yosiviu Emapisa Nkakula s'est mise en congé de son poste de présidente du Parlement. Elle a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'elle coopérerait avec les autorités après que celles-ci ont perquisitionné son domicile à Johannesburg et saisi des éléments de preuve. C'était la semaine dernière. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos ondes.